President Like Mokonzi Monene na Douane Vie ma foi là Wes Bivoula le déclarant manager ya mama Jeanne président toujours madeka terrasse ya tabao ah cherche chica malamba. Molonga ni Emily, mama na Clotilde. Ina malembe. Mireille et Gisèle Bossi na Suisse. Soit c'est pas la Françoise.